8, 16, observation, possessif, première personne du singulier, mon, ma, mais. Masculin singulier, j'ai un cousin. Mon cousin est très sympathique. Féminin singulier, j'ai une cousine. Ma cousine est très sympathique. J'ai une arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est très gentille. Masculin et féminin pluriel, j'ai des cousins et des cousines. Mes cousins et mes cousines sont très gentils. Notez que les possessifs de la première personne du singulier, mon, ma, mes, commencent par M, comme les pronoms me et moi. On trouve mon devant un masculin singulier, mon cousin. On trouve mon devant un féminin singulier, commençant par une voyelle, mon arrière-grand-mère. On trouve ma devant un féminin singulier, commençant par une consonne, ma cousine. Et on trouve mes devant un masculin, mes cousins, ou un féminin pluriel, mes cousines.